Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Administration coloniale française, élite locale, liaison dangereuse en Afrique. Par définition, la France-Afrique n'existe qu'après les décolonisations. Dans les années 1960, c'est alors que s'organise une diplomatie de l'ombre, où les amitiés se mêlent aux intérêts stratégiques et bien sûr financiers, c'est la France-Afrique. Mais ces amitiés qui lient les élites de l'ancienne puissance coloniale aux élites des pays nouvellement indépendants, sont souvent anciennes. Elles sont nées pendant la colonisation, évoluées, chefs coutumiers, notables de l'Afrique équatoriale ou occidentale française, souvent au détriment des populations. C'est une longue histoire d'amitié et d'intérêts réciproques. Durant leur séjour parisien à l'occasion de la fête nationale, les notables d'outre-mer ont été les hôtes de M. Senghor, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, chefs coutumiers africains. Élus des assemblées locales, ils ont apporté à l'hôtel Matignon le témoignage coloré de la communauté française d'au-delà des mers. En 1955, le journal des actualités françaises, les notables d'outre-mer à Matignon. Bonjour Carole Reynaud-Paligaud. Bonjour. Avant toute chose, il est peut-être nécessaire de préciser que la colonisation ne signifie pas faire disparaître les élites locales pour les remplacer par d'autres élites dès la naissance même de l'idée de colonie. Non, pas du tout. Au contraire, c'était plutôt l'idée de s'appuyer sur les élites locales, enfin sur certaines élites locales, de les former, de les envoyer à l'école et ensuite, eh bien, voilà, d'en faire un point d'appui pour pénétrer dans les territoires et administrer ces nouveaux territoires. Vous venez de dire de certaines élites locales et tout se joue dans ce certaines. Comment sont choisis ceux qui vont devenir les suppléants des colonisateurs ? Mais en fait, il fallait qu'ils soient dociles, qu'ils soient en accord avec le projet colonial. Donc le choix s'est opéré surtout sur ce critère-là. Avec cette étude que vous nous livrez, l'école aux colonies entre mission civilisatrice et racialisation, avec des dates, 1816-1940, 1816, date précise. 1940, on voit pourquoi, hein, parce que c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, mais pourquoi 1816? Eh bien parce que c'est le moment où la France retrouve ses colonies, hein, c'est ce qu'on a appelé le début du second mouvement de colonisation. Donc là, tout se remet en place et puis surtout ensuite c'est la conquête, la grande conquête de très vastes territoires. Donc ce sont les premières décennies, là, sont assez décisives et aussi assez intéressantes pour voir comment ça se passe et notamment comment l'école se met en place. Dès 1816, nous sommes sous la Restauration, après l'épisode napoléonien, Louis XVIII est au pouvoir. Il y a une réflexion sur, alors toujours deux chemins, former des élites européennes pour aller dans les colonies et former des élites locales pour aider ces élites européennes. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est important, c'est que, et assez symbolique, c'est que la première mission qui part, hein, le premier bateau qui part pour reprendre possession de ce territoire, eh bien, il y a un instituteur qui se trouve à côté de personnes qui sont là pour déterminer les richesses, enfin, pour tous les aspects économiques. Il y a toute une batterie de gens très qualifiés. Et il y a un instituteur qui part dans le bateau, donc ça montre bien que dès le départ, il y a l'idée d'ouvrir des écoles et d'instruire la population. Voilà, dès le départ, il y a cette idée-là. C'est important parce que pour bien saisir comment sont perçues les colonies, la chronologie doit être mise en place. En 1816, l'idée de colonie n'est pas celle que nous avons aujourd'hui, qui est le plus souvent véhiculée. Comment sont perçus ces territoires sous la Restauration ? Bien, comme des vastes territoires de ressources, donc de commerce. L'idée, évidemment, c'est de faire du commerce, mais très vite, l'idée, c'est de développer des plantations parce qu'on a des produits qu'on ne peut pas cultiver chez nous et en raison des contraintes climatiques. Et ce climat tropical, il nous intéresse pour expérimenter l'arachide, le coton, et puis le café, le cacao, etc. Donc ça, c'est l'objectif premier. Et puis, il y avait évidemment un objectif politique. On regarde ce que fait l'Angleterre, la grande rivale, et on a envie de faire aussi bien au même mieux. Ah bah oui, toujours, hein, l'ennemi c'est l'anglais, avec ce personnage Jeanne d'Arc que vous avez évoqué, donc qui accompagne dès 1816 le premier bateau, qui arrive où ? C'est au Sénégal, c'est oui, ça ? Oui, à Saint-Louis au Sénégal. Donc Jeanne d'Arc, c'est un instituteur hein, qui a pour mission d'ouvrir une école, pour alphabétiser, parce que si on veut mettre en valeur ces territoires, il faut pouvoir communiquer avec les populations, et puis il faut s'appuyer sur une petite élite qui va pouvoir nous aider dans cette mise en valeur. Donc voilà la mission qu'il a, mais en fait il a aussi lui-même ses propres intérêts, ses propres ambitions. Il a envie de développer son école, de pousser assez loin les élèves. Il s'intéresse aussi beaucoup à la culture locale, donc il crée un dictionnaire de français wolof, français bambara, une grammaire wolof. Donc il va au-delà des objectifs qu'on lui avait assignés aussi, parce qu'il a une curiosité, un intérêt pour ces populations. D'autant qu'en 1816, l'école qui existe en France n'est pas encore constituée. Il faut attendre encore un peu pour avoir ces écoles que l'on connaît, même avant les lois Ferry de la fin du 19e siècle. Mmh. En 1816, il y a tout à inventer, j'ai envie de dire, en France et dans les colonies. Mmh. Tout à fait. Enfin, ça commence très modestement. Il s'agit d'une seule école. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait l'idée de mettre en place un système scolaire très établi. Non, on veut tout de suite créer une toute petite élite. Quelles sont les élites européennes, si on prend le cas de Saint-Louis au Sénégal, à ce moment-là? C'est-à-dire que la France envoie des fonctionnaires pour s'occuper de ses colonies déjà? Oui, bien sûr. On a besoin de personnel qualifié pour inventorier ces nouvelles richesses, pour développer ces projets économiques. Mais très vite, on s'aperçoit que ça coûte cher d'envoyer. Donc, l'idée de former un petit peu les populations locales apparaît très vite. Et ces premiers élèves qui sortent de cette première école sont aussitôt employés dans l'administration ou dans les services commerciaux des entreprises qui arrivent. Voilà. Donc le ton est donné, on voit bien que l'école, c'est un auxiliaire hein, de la colonisation, parce que elle va permettre le développement économique grâce à cette petite élite. Ces élites européennes qui arrivent pour s'occuper de l'éducation ont été formées en France. Alors, il y a aussi là une chronologie, sans doute très fine, parce qu'un personnage comme Jeanne d'Arc en 1816, vous l'avez bien dit, c'est une expérience, c'est presque individuel, mais peu à peu, tout cela s'institutionnalise. Oui, progressivement. Mais au début, c'est vrai que ce sont simplement des instituteurs français qui, par goût d'aventure et de curiosité, partent. Et puis ensuite, donc une école coloniale sera créée pour former le personnel administratif et aussi une école pour former les instituteurs. Mais on n'ira pas très loin, puisque dans cette idée de former en France des fonctionnaires, en tous les cas des instituteurs, puisqu'on va tout de suite ouvrir aussi des écoles normales, alors il y en a une par colonie, quand il y en a une, il n'y en a pas toujours, ou certaines apparaissent assez tardivement. Mais l'idée, par souci d'économie budgétaire, c'est bien sûr de former des instituteurs locaux. Et c'est ce qui va être mis en place très progressivement dans les différentes colonies. Déjà faire des économies avec l'éducation et ces écoles normales dans les colonies, en écho aux écoles normales en France. À Monsieur Lucien R., École normale supérieure, 45 rue d'Ulme, Paris 5e, Seine. Hubert Frénois, Fort Coulet, au bon soin de Monsieur l'administrateur de Tarato, par Saint-Pierre du Samba, Afrique équatoriale française. Fort Coulet, le 6 janvier 1915. Cher maître, et si vous le permettez, cher ami. L'Afrique est loin d'être cet enfer que nous peint littérature coloniale. Là où je croyais affronter les grands fauves, je ne rencontre que des chiens, des vaches et des poules. Parfois quelques canards. Là où j'attendais de féroces sauvages bardés de sagaies, de lances et de flèches empoisonnées, décidés à ne faire qu'une bouchée de voyageurs, je ne vois que des paisibles ruraux dont l'existence pastorale n'est pas sans rappeler celle de nos paysans de l'Indre-et-Loire ou de la Creuse. Et La victoire en chantant, le film de Jean-Jacques Hano en 1976, avec cette surprise de ceux qui arrivent dans les colonies. Dites-nous, Carole Reynaud-Paligaud, comment vous avez étudié ces écoles aux colonies? Ces écoles aux colonies ne respectent pas un schéma identique partout, on sent qu'il y a des expériences. L'historienne que vous êtes a bénéficié de quelles archives? Alors, les archives coloniales, hein, qui sont déposées au Grand Centre d'Aix-en-Provence, et c'est là, dans les échanges, dans les correspondances entre les différents échelons de l'administration coloniale, qu'on peut cerner déjà ce qui s'est mis en place, en pratique, le nombre d'écoles, où, comment. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'était quel objectif on fixait à cette école, quelle était la mission de l'école. Et voilà, dans les correspondances, on arrive assez bien à cerner, puisque c'est pas des discours officiels. On sort de la rhétorique qui, évidemment, est sur un autre registre. Et là, on arrive à comprendre quel était voilà, précisément l'objectif de l'école. Mission civilisatrice, on peut le dire ? Alors, oui, en partie, ça dépend ce qu'on entend par mission civilisatrice, on peut lui donner plein de sens. En fait, l'aspect philanthropique, c'est-à-dire on va civiliser pour voilà, les faire progresser, ces populations, vers la civilisation telle qu'on l'estimait à l'époque, c'est-à-dire la civilisation occidentale qui était, pensait-on, bien supérieure à toutes les autres. Il est quand même assez peu présent, et ce que j'ai vu dominer, c'est des intérêts économiques. Voilà, on a besoin de former des élites, mais tout de suite, le mais arrive très vite en fait. Mais il faut se garder de trop instruire, pour citer une correspondance. Donc très vite, hein, il y a une tension entre ce besoin de développer des personnels qualifiés plus ou moins, parce qu'il faut surtout des paysans qui travaillent dans les champs, mais bon, s'ils peuvent être un peu alphabétisés et comprendre ce qu'on leur dit, c'est mieux, évidemment. Mais surtout, cette petite élite, hein, j'utilise beaucoup cet adjectif « petite » pour exprimer cette idée, attention, il faut pas aller très loin, et les cadres doivent rester des Français, ou même des Européens qu'on va franciser. Et voilà, parce que dans l'ambition civilisatrice, il y a ces limites qui correspondent aux intérêts économiques. Qu'est-ce qu'on leur apprend, ces enfants, dans les écoles des colonies? Il y a des programmes? Alors, il y a des programmes qui se mettent en place petit à petit, mais l'idée de départ est qui dure finalement pendant toutes ces décennies quasiment. Bon, après, il faut nuancer un peu les choses au fur et à mesure qu'on avance au XXe siècle, mais l'idée, c'est voilà, un Français parler, dit-on, hein, qui puisse parler, qui puisse savoir compter, parce que le calcul, c'est toujours utile dans la vie, qu'on soit paysan ou petit commerçant. C'est l'essentiel. Et puis, non, il y a quand même une autre dimension, c'est déclencher, dit-on, l'amour de la France. Voilà. Susciter l'adhésion au projet colonial et, eh bien, voilà, admirer la France et l'aimer. Donc, voilà, finalement, on est toujours sur le registre de l'amour. Ah bah oui. Là aussi. Toujours de l'amour avec cette histoire, amour, amitié, cette histoire des relations entre les élites coloniales françaises et les élites locales. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Nicolas Vancel, bonjour. Bonjour. Dites-nous, dans le choix de ces élites, il y a sans doute une réflexion. Il est, avec ce que nous a dit Carole Reynaud-Paligaud, évident que ce ne sont pas toutes les élites qui doivent aller à l'école. Il y a un choix. Comment ça se constitue? La colonisation française s'appuie sur des élites déjà en place, des chefs coutumiers, ceux qui sont reconnus comme rois. Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'il faut bien distinguer aussi les périodes, puisque... en fait, jusqu'aux années 40, le choix de ces élites, ce sont essentiellement des élites qui sont issues de ce qu'on appelle les chefferies, donc des élites entre guillemets traditionnelles, et certains fils de chefs vont pouvoir être envoyés à l'école et puis donc suivre l'école primaire, parfois secondaire, très très exceptionnellement l'université, pour devenir des soutiens en fait à l'administration coloniale. C'est essentiellement à ça qu'on les destine, pour être des relais de l'administration coloniale, notamment au fin fond de la brousse, et de faire faire le lien entre l'administrateur et puis les populations locales. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il se passe quand même un phénomène extrêmement important, c'est qu'on a compris qu'on ne pouvait pas perdurer en fait dans cette forme ancienne de colonisation, qui est une colonisation finalement très peu généreuse, hein, qui mate les révoltes dans le sang, et où d'une certaine manière les élites ne sont là que pour vraiment être des courroies de transmission. On a compris qu'il y avait un mouvement mondial de décolonisation, on a quand même perdu les mandats de Syrie et du Liban, il y a des révoltes un peu partout dans l'Empire, hein, dès la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1945 aussi, et donc en 1946, on va complètement changer de braquet, si je puis dire, et on va instaurer un instrument de financement qui n'existait pas jusque-là, qui s'appelle le FIDES, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social, et qui va investir des sommes très massives, à la fois pour le développement économique, l'infrastructure, mais aussi pour l'éducation. Il faut avoir en tête que jusqu'en 1945, les colonies doivent se financer elles-mêmes. Donc, ça ne doit rien coûter à la métropole, en quelque sorte. Après 1945, donc, on admet qu'il faut des investissements directs, et on va donc avoir une politique de scolarisation beaucoup plus volontariste, et on va passer d'un taux de scolarisation global qui est à peu près, en 1945, pour l'ensemble des colonies françaises, de 3% d'une classe d'âge, à, en 1959, donc vraiment à la veille des colonisations d'Afrique noire, à peu près à 12%. Là, il y a des grandes variations d'un territoire à l'autre, mais si vous voulez, c'est évident qu'on a changé de politique et que les objectifs politiques de ce changement de braquet, si je puis dire, de cet élargissement quand même considérable de l'éducation, là aussi signe, si vous voulez, une modification des objectifs politiques de la colonisation. On n'est plus dans la transmission pure et simple des ordres admis de l'administration coloniale. Il va falloir en fait qu'on construise une nouvelle élite éduquée avec des gens qui vont à l'université. Il y a aussi un gros effort qui est fait sur les bourses, hein. Pour vous donner un exemple, jusqu'en 1939, on a à peine 300 étudiants en provenance des colonies en France qui étudient dans les universités françaises. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1959, à la veille des indépendances, on en a un peu plus de 12 000. Donc même si c'est pas beaucoup dans l'absolu, c'est quand même un changement d'échelle considérable. Et on est dans l'optique en fait de créer une classe intermédiaire, mais qui va gouverner en quelque sorte avec les Français. Dans une optique, on va dire, de coopération, et qui a pour objectif, évidemment, d'abord, de préserver l'Empire. Hein. Il faut préserver l'Empire, non plus seulement par la force, mais en construisant une élite, entre guillemets, moderne, éduquée dans les lycées, dans les universités françaises, et qui va prendre une autre place, évidemment, dans le système des gouvernances coloniales. Nicolas Mancel, vous êtes historien, professeur à l'Université de Lausanne, et comme tout historien, historienne, vous mettez en avant la chronologie, comme tous les enseignants et les enseignantes d'histoire. Non, mais la chronologie entre 1816, Jean Dart, instituteur, qui arrive, et l'après-Seconde Guerre mondiale, on voit bien, oui, Carole Reynaud-Paligaud, une nette évolution. Cependant, cette idée émancipatrice de l'école est à toujours mettre en question. Vous le dites bien, il y a toujours ses limites dans ce qui est enseigné aux enfants. Oui, oui, ben la grande césure, donc, qui a été rappelée là par Nicolas Mancel, c'est 1945, où on va passer à autre chose. Mais sur cette longue période 19e jusqu'à cette date-là, on a plutôt la volonté de freiner l'accès à l'éducation. Parce que on a à la fois ce désir d'instruire une petite élite, mais en même temps, on prend très vite peur, puisque trop d'instruction, ça peut amener pardon, à une vision un peu critique du colonialisme. Donc c'est exprimé assez clairement dans les correspondances, même assez aussi ouvertement dans les discours publics. Et c'est pour ça que, en fait, on mise essentiellement sur l'enseignement primaire, avec un enseignement primaire très rudimentaire, très limité dans ses ambitions intellectuelles, très pratique. On va ouvrir des jardins pour apprendre à cultiver, à faire de l'élevage. Et on va, donc, les autorités coloniales tentent de freiner l'accès à l'enseignement secondaire. Et encore plus donc à l'enseignement supérieur. Ça, c'est la caractéristique de toute la période qui précède la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a des évolutions, bien sûr, parce qu'il y a, du côté des autorités coloniales, il faut nuancer un petit peu, il y a une partie des autorités qui souhaiteraient aller plus loin, et former notamment des cadres. Donc on commence à en parler, à expérimenter un peu plus dans certains territoires que dans d'autres, par exemple en Indochine. Mais il y a tout de suite des freins et des oppositions qui viennent soit des milieux officiels, soit des colons qui ne veulent pas aller plus loin. Donc il y a des expérimentations, des tentatives, mais il y a des freins qu'on voit très bien dans les archives. Hein. Alors, et ce qui est assez symbolique, c'est que se mettent en place, en fait, avec le régime républicain, deux systèmes d'enseignement. Un pour les enfants de colons, qui sont là et qui ont droit à l'éducation. Ça, c'est, on leur reconnaît tout de suite ce droit à l'éducation et on ouvre des écoles pour eux, mais avec des programmes métropolitains. Et puis, des écoles donc réservées à, pour reprendre la terminologie de l'époque, aux indigènes, c'est-à-dire aux populations colonisées qui n'ont pas du tout les mêmes programmes. Ah oui, alors, Carole Reynaud-Paligo, ça me permet de vous poser la question, est-ce que nos ancêtres les Gaulois, qui auraient été appris par les Africains enfants à l'école, c'est une vérité ou plutôt un fantasme ? Alors, c'est plutôt un mythe, hein, puisque, en fait, dès le départ, l'idée, c'était d'adapter, hein, le grand principe, c'était l'adaptation, d'adapter les programmes aux besoins des populations locales et à leur capacité, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur sont-ils capables bien, de comprendre et d'accéder à l'enseignement métropolitain ou pas, avec des avis très divergents, donc des administrateurs coloniaux très confiants, d'autres beaucoup plus réticents. Donc il y a des débats assez intéressants. Il y a des débats aussi sur les parmi ce qu'on peut appeler les théoriciens de la colonisation, plus ou moins optimistes sur la capacité à progresser. Mais là encore, l'expérience montre assez vite que bien, ces petits écoliers y réussissent aussi bien que les autres. Mais même quelques décennies après, on aura toujours des discours assez pessimistes. Certes, on a l'impression qu'ils comprennent, mais leur cerveau n'est pas prêt à emmagasiner toute la culture, etc. Donc il y a des discours très biologisants, hein, naturalisants, qui font penser, enfin portent cette idée que les cerveaux africains ne seraient pas les mêmes que les cerveaux européens. Il faut toujours le dire, hein, cette lecture-là ne peut se faire qu'en prenant en compte ce racisme latent. Gaston ! Trois mandarins ! Tiens, Bourcassa, ça bombe ? Bon, si on peut appeler ça boumer, hein, hein ? Faut dire que Bourcassa, c'est loin d'être une métropole comme ici. Hein. C'est grand comment ? Bah, à l'entrée, il y a un écriteau avec 1275 achats. Achats ? Oui, ça veut dire 1275 âmes. Et les âmes en question ? Il y a autant de gens qui vont avec ? Hein ? Bah oui, forcément. Eh ben, tes 1275, c'est en comptant les nègres. Et les nègres, ils n'ont pas d'âmes. Voilà, je dis pas que vous avez tort, mais je dis pas non plus que vous avez raison. Qu'est-ce qui vous fait dire que les nègres, ils ont pas d'âme ? Eh ben, dis-lui. Éclaircis donc sa lanterne. Ben voilà, ils ont pas d'âme parce que c'est pas vraiment des gens. Ben, si c'est pas des gens, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est des nègres. Rien que des nègres. La preuve, c'est quand on parle d'eux, on dit pas des gens, on dit des nègres. Guy Marchand, Philippe Noiret, dans le film de Bertrand Tavernier, Le coup de torchon. Alors la scène se passe en Afrique occidentale française, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Nicolas Bancel, ce racisme latent est là. Alors l'école, bien sûr, mais plus globalement, dans la manière de considérer les élites locales par les élites coloniales, même si elles sont liées, bon, il y a toujours quand même une hiérarchisation. Oui, là aussi, je crois qu'il faut bien distinguer le type d'école. C'est-à-dire qu'on a, ce dont a parlé Carole, ce sont des écoles primaires, techniques, qui ont des programmes adaptés. Mais on a aussi à côté, bien sûr, des écoles primaires classiques, entre guillemets, qui utilisent les programmes français, et qui sont réservés pour l'immense majorité jusqu'en 1940, Carole me contredira si j'ai une bêtise, aux petits colons, hein, aux blancs, en fait. Mais après 1945, ça change, ça. Ça change parce que y a une véritable volonté d'expansion de l'école primaire dans les colonies, notamment en Afrique ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, Madagascar, Togo, Cameroun. Et là, ce sont les programmes français qui sont appliqués. De même, évidemment, que dans les rares lycées qui existent dans les colonies, et bien entendu également lorsque les enfants des élites africaines vont étudier en France, que ce soit à l'université ou au lycée. Donc, il y a une forme de conformation quand même culturelle qui se passe après 1945, et ces élites vont être, je dirais, imprégnées par la culture scolaire française, ce qui va d'ailleurs déterminer de manière assez forte un rapprochement culturel qui n'était pas forcément souhaité, un rapprochement culturel important entre ces nouvelles élites qui sont formées après 1945 et puis les colonisateurs. Mais là aussi, l'extrait, il est tout à fait... Moi, j'aime beaucoup ce film dont vous avez passé un extrait. Il montre bien aussi qu'il y a des divisions profondes. Il y a des divisions dans l'administration coloniale, parce que dans l'administration coloniale, vous avez des administrateurs qui sont extrêmement conservateurs, qui sont racistes, qui sont restés à des conceptions entre guillemets anciennes. Et puis, vous avez une frange moderniste de l'administration coloniale qui, elle, croit réellement à l'évolution possible de l'Empire vers une forme d'intégration globale de l'Empire à la nation et un rattrapage économique, social, culturel des colonies à la métropole. Et puis, d'autre part, donc vous avez ces différences à l'intérieur de l'administration, et on voit très bien ça dans les débats des années 50, quand vous lisez des journaux comme Marchés tropicaux, Marchés coloniaux, le journal de l'Union française, etc. Vous voyez très bien que ces débats, ils sont très présents, hein, et ils cherchent à trouver des formes un peu plus modernes de gouverner l'Empire, après la conférence de Brazzaville, d'appliquer en fait ce qu'étaient les premiers préceptes de la conférence de Brazzaville, avant qu'ils ne soient rejetés par la première constitution. Et puis d'un autre côté, à côté de l'administration coloniale, vous avez le colonat. Et là, c'est une autre paire de manches, parce que le colonat, évidemment, lui, il veut pas beaucoup de changements. Hein. C'est un peu logique, puisque la garantie de son pouvoir, en quelque sorte, c'est qu'il y a une discrimination, c'est que l'apartheid colonial continue. Et il va falloir attendre quand même 1956, donc la loi cadre de fer, qui est une loi très, très importante, pour que le suffrage universel soit établi eh bien, en AEF, Togo, Togo, Cameroun et Madagascar. Et ce colonat va être historiquement extrêmement conservateur. Donc, l'évolution va se faire en fait contre le colonat. Mais à un moment donné, je dirais autour de 1954-1955, quand on commence à avoir les premiers grands plans de modernisation politique des colonies, je dirais que le ministère des colonies, notamment celui qui est dirigé par Ted Jane, donc juste avant la loi cadre de fer en 55, il a fait son choix. Hein. On va abandonner le colonat, tout simplement. Hein. Et on va promouvoir cette élite. Tant pis pour le colonat, ils vont perdre de leur pouvoir et de leur pouvoir symbolique. Mais c'est la condition, pense-t-on alors, d'une modernisation qui permettra de conserver l'Empire. Parce que souvenez-vous quand même qu'en 55, on sort de la guerre d'Indochine, on a la guerre d'Algérie, on va rentrer dans la guerre du Cameroun, on a quand même des fronts militaires extrêmement lourds, il y a eu la défaite de l'Indochine, on n'a pas envie que d'autres fronts s'ouvrent en Afrique, donc on pense qu'il faut moderniser avant que ça n'arrive. Et donc voilà, tout ça pour insister bien sur le fait que l'administration est divisée, le colonat globalement est conservateur, on voit bien d'ailleurs ce que ça donne en Algérie en fait, c'est le colonat qui bloque toutes les réformes, hein. Et ça va aller évidemment jusqu'à la catastrophe que l'on sait, mais la politique scolaire qui est appliquée à partir de 1946 et jusqu'à la fin des années 50, hein, jusqu'avant les décolonisations, c'est une visée qui est vraiment une visée modernisatrice, une visée de coopération entre élite coloniale et élite indigène, entre guillemets. Coopération entre élite coloniale et élite indigène pour sauver l'Empire. Ah, l'Empire. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À la veille de la guerre de 1939, la France possédait un empire colonial de 12 millions de kilomètres carrés, soit le 16e des terres émergées, peuplé de 68 millions d'habitants, représentant le 20e de la population. Carole Reynaud-Paligaud, évocation dans les archives de la grandeur de l'Empire. Nous avons parlé chronologie, il faut peut-être parler aussi géographie, parce que la géographie est essentielle ici. Alors, il y a l'Afrique équatoriale française, du Gabon, et puis qui nous fait remonter jusqu'au Tchad, l'Afrique occidentale, le Sénégal au Niger, très bien. Mais à l'intérieur de ces ensembles, il y a les villes et les campagnes. Il y a une géographie à écrire de cette histoire de l'école coloniale. Oui, tout à fait. Il faut prendre en compte la dimension géographique, parce que d'abord, les élites, elles sont plutôt évidemment dans les villes. Et puis, peut-être qu'il faut quand même rappeler que ces deux systèmes scolaires qui se mettent en place, l'un pour les enfants de colons et l'autre pour les populations colonisées, les frontières entre les deux ne sont pas hermétiques. C'est-à-dire qu'en France, et la rhétorique républicaine est très active dans ce domaine-là, c'est pas l'apartheid. Hein, il n'est pas interdit aux populations colonisées d'accéder à un enseignement plus ambitieux. Donc, il peut arriver que dans ce réseau d'écoles plutôt européens, parce que là j'ouvre une petite parenthèse, des populations européennes arrivent, de l'Espagne, de l'Italie, enfin surtout évidemment en Algérie, Et l'idée, c'est de tout de suite les intégrer dans ces écoles françaises, parce qu'on veut les rendre français. Et l'école, évidemment, c'est le meilleur moyen de les rendre français. Donc, dans ce réseau d'écoles, on peut trouver des élèves qui sont des enfants donc de populations colonisées. Hein. Il n'y a pas une barrière totalement étanche entre les deux. Mais ce qu'on voit bien dans les archives, c'est qu'on freine le plus souvent l'accès. Alors, évidemment, pour pas être accusé de ségrégation, eh bien, on va trouver quelques petits subterfuges, c'est-à-dire qu'on va mettre des limites d'âge. Et comme quand le français n'est pas la langue maternelle, c'est évidemment les enfants, ils arrivent un peu plus âgés à l'école. Voilà, la limite d'âge va les empêcher de continuer l'enseignement secondaire. Et puis on va essayer de décourager, de refuser parfois certains accès. Et puis, autre moyen aussi, c'est quand ils deviennent trop nombreux dans les classes, ces élèves indigènes, entre guillemets, eh bien, on ouvre une classe spéciale parce que le principe de l'adaptation, leur langue maternelle n'est pas le français, il faut adapter. Donc, finalement, on ouvre une classe spéciale et vous voyez qu'on essaye de freiner cette mixité sans pour autant l'interdire. Donc c'est ce qui domine et ce qu'on voit bien notamment en Algérie, mais aussi en AOF et en Afrique équatoriale. Alors après, la dimension géographique, elle joue aussi donc entre les villes et les campagnes, mais entre les deux territoires, c'est-à-dire qu'on a plus d'ambition en Afrique occidentale. C'est un territoire qui apparaît assez intéressant à mettre en valeur. Donc on va finalement aussi plus développer l'école parce qu'on a un besoin plus important en personnel qualifié. Alors que l'Afrique équatoriale, c'est essentiellement le bois. Hein, donc, on estime qu'on a moins besoin de former des élites. Et c'est les deux systèmes d'école. Enfin, en Afrique équatoriale, le système va rester beaucoup plus embryonnaire. L'école normale va être créée beaucoup plus tard. Et ensuite, le niveau de l'école normale sera très, très faible. On va former plutôt des moniteurs que des instituteurs. Donc là, on voit bien que l'ambition, la mission civilisatrice n'est pas la même. Avec vraiment cette lecture-là où l'intérêt prime toujours. Hein. Il y a une vraie vision, plus qu'une mission ici pour mettre en place l'école. Nicolas Bancel, dans ces élites qui nous intéressent, ces élites locales, il y a les enfants des chefs tribaux qui peuvent aller à l'école. Mais les chefs eux-mêmes sont associés au pouvoir. Comment ça se construit tout ça? Il y a la volonté de conserver des structures en place pour s'attacher tout simplement des populations locales. Oui, bien sûr. Alors, il y a tout le système, comme on l'a un peu décrit au début de l'émission, de ce qu'on appelle les chefferies. Hein. Les chefferies, ce sont donc les chefs de village hein, qui deviennent les correspondants, en quelque sorte, des administrateurs locaux. Et ça, c'est le système qui est mis en place, comme on l'a dit, au début, en fait, de la colonisation, qui va d'ailleurs parfois perdurer très longtemps. Hein. Par exemple, le Maroc de Lyautey utilise les élites locales, non seulement la chefferie, mais aussi bien sûr les élites religieuses, et puis les élites qui sont liées, je dirais, à l'administration de traditionnelle par le sultan du Maroc. Mais on voit qu'il y a vraiment un changement de perspective, hein, encore une fois, après 1945, parce que on veut moderniser l'Empire, à la fois du point de vue économique, mais aussi, encore une fois, du point de vue politique, il faut qu'on trouve des élites qui ne sont plus seulement issues de cette chefferie, de ces entre guillemets, élites traditionnelles. Il faut créer une nouvelle élite. Il faut créer une élite donc qui soit africaine, hein, c'est ce qu'on va appeler l'africanisation des cadres, hein, c'est un grand mot d'ordre de l'administration coloniale dès 1946, hein, c'est promu, ça va être accéléré, je dirais, de manière très très importante à partir de la loi 4 de 1956. Et en fait, l'idée, c'est de créer une classe, une espèce de bourgeoisie noire qui est modernisée en quelque sorte sur le plan culturel, tel qu'on l'imagine alors, c'est-à-dire occidentalisée, pour dire les choses clairement, et qui va faire une quelque sorte l'interface entre eh bien les autorités coloniales et puis les sociétés locales, qu'elles soient urbaines ou rurales. Et là, on cherche des techniciens, hein, c'est-à-dire des gens qui soient capables eh bien, de prendre des fonctions dans l'administration coloniale. On en a déjà quelques-uns, l'administration coloniale, là aussi, j'ai pas le temps de développer, mais c'est une structure assez complexe. Vous avez plusieurs corps, vous avez ce qu'on appelle les cadres généraux, puis les cadres locaux, pour aller très vite, puis il y a les cadres supérieurs. Les cadres généraux, jusqu'en 1940, ils sont à peu près à 50-50 entre les Européens et les Africains. Et puis, après 1946, il va y avoir une africanisation des cadres qui va s'accélérer à partir de 56. Et en 1959, les cadres généraux, ils sont africanisés à 98%, je crois. Les cadres supérieurs, par contre, restent très majoritairement européens. Les cadres supérieurs, c'est vraiment les cadres de l'administration coloniale, c'est les hauts fonctionnaires, c'est les conseillers du gouverneur, ce sont les administrateurs locaux, c'est les gouverneurs eux-mêmes, bien sûr, etc. Donc, vous voyez qu'on a une administration aussi qui va se conformer à ce désir d'une tête, en quelque sorte, qui soit monopolisée par l'élite européenne, mais avec des cadres généraux, donc qui sont plus les petits commis d'administration qu'on trouve jusqu'aux années 30, qui sont des gens là qui ont des diplômes, qui peuvent avoir des bacs plus 3, des bacs plus 5, et qui vont être dans des postes quand même relativement importants, en tout cas au regard des revenus moyens des habitants. Pour vous donner un exemple, un cadre général africain, il va gagner à peu près 15 à 20 fois le revenu moyen d'un paysan africain. Donc il y a une dissociation énorme aussi qui se passe du point de vue économique, non seulement du point de vue politique, mais aussi économique, entre cette petite fraction de l'élite indigène, entre guillemets, l'élite africaine, pour prendre cet exemple, et puis les sociétés locales. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de créer une interface, en fait, entre le pouvoir, donner une petite partie du pouvoir colonial à cette élite, hein, de manière à ce qu'elle s'en satisfasse, en quelque sorte, et qui permette, en fait, de continuer la colonisation, non plus seulement dans cette très forte division entre colons, administration blanche, et puis entre guillemets indigènes, mais avec l'idée d'une mixité, hein, on passe d'un modèle qui était totalement utopique, l'assimilation, à un modèle qui est plus, je dirais, celui de l'association britannique. On copie d'ailleurs un peu sur les Britanniques à ce moment-là, parce que c'est a priori pour les politiques les plus lucides à ce moment-là, eh bien le moyen de préserver l'Empire, encore une fois, de ne pas aller vers une nouvelle guerre, de nouveaux fronts militaires, dans une Afrique noire qui, jusqu'au milieu des années 50, disons 53-54, reste sur le plan politique relativement calme. Il y a évidemment des exceptions. Il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire qui s'est révoltée entre 1947 et 1950. On a le Cameroun, bien sûr, où il y a une opposition très politique, très puissante et radicalement anticolonialiste. Mais dans les autres territoires, eh bien, avec les élites, ce que j'appelle les élites de première génération, celles qui ont été formées dans les années 30 et qui, jusqu'à la fin des années 40, restent les intermédiaires principales entre le colonisateur Sauveur, et puis ces élites-là, ce sont les Sangor, ce sont les Houphouët-Boigny qui vont prendre des positions évidemment tout à fait hégémoniques au moment des indépendances, qui vont parfois d'ailleurs après 1955 être ministres dans des gouvernements de la 4e République. Eh bien, ces élites-là, elles vont assurer un rôle qui est un rôle de coordination entre le pouvoir colonial et puis la gouvernance politique des colonies. C'est ce que j'ai appelé les élites de compromis. Alors que ces élites qui sont formées, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ce que j'appelle les élites de deuxième génération, donc qui sont formées après 1946, eh bien, vont progressivement se radicaliser sur le plan politique. Dès 1955, on a déjà une majorité d'associations étudiantes en France, d'étudiantes africaines notamment, mais pas seulement, hein, qui vont adopter un discours anticolonialiste. Et ça, c'était un peu ce qui pouvait arriver de pire au projet colonial d'association, en quelque sorte. C'est que ces nouvelles élites qu'on est en train de former, dont on espère qu'elles vont pouvoir s'intégrer à l'administration coloniale, au système de gouvernance, et bien déclarent tout d'un coup que, eh bien non, elles ne veulent pas de ça, ce qu'elles veulent, c'est l'indépendance. Et là, on a quand même un très très gros problème devant nous. Ah bah oui, former des cadres, c'est bien, mais quand ces cadres-là s'émancipent, d'un seul coup, ça pose problème. Et puisqu'il est question de cadres, eh bien voici une loi cadre. La France a pris l'engagement de vous conduire jusqu'au moment où vous pourrez administrer vous-même vos propres affaires. Le gouvernement, qui est présidé par mon ami Guy Mollet, a voulu tenir la parole de la France, a voulu répondre à la confiance qui lui avait été faite par tous ces Africains d'hier et d'aujourd'hui, par tous ceux qui, dans le passé, non seulement ont versé leur sang pour la France, mais ont contribué à la grandeur de notre pays, à la prospérité de notre patrie commune. Et c'est dans le souci de répondre aux engagements qui avaient été pris, de tenir les promesses qui ont été faites, que cette loi a été votée et que je suis venu aujourd'hui, après son vote, à Dakar, dans la capitale de la principale fédération, dans la capitale des territoires d'outre-mer, pour vous dire que vous pouvez compter sur le gouvernement français comme dans le passé. Et j'en suis sûr, dans l'avenir, il a pu compter sur vous. En juillet 1956, Gaston Defferre se trouve à Dakar pour présenter cette loi cadre, la loi cadre Defferre. Nicolas Bancel, c'est quoi cette loi ? Alors c'est une loi extrêmement importante, hein, puisque c'est une loi qui va décider un changement fondamental sur le plan de vue des institutions politiques. Il faut savoir que jusqu'en 1956, les élections se font sous le principe du double collège. Donc vous avez un collège qui est réservé aux Européens, qui sont en tout petit nombre, hein, ils représentent à peine 3% par exemple en AEF de la population, et puis un collège entre guillemets indigène, où il y a à peu près normalement, enfin il n'y a pas à peu près, il y a le même nombre d'élus dans les deux collèges, et puis donc ces deux collèges vont avoir une représentation politique à peu près équivalente, sauf que avec le trucage des élections, c'est pratiquement systématique, hein, jusqu'à la loi cadre, et puis par le fait aussi qu'on a des partis qui sont soutenus par des partis entre guillemets africains qui sont soutenus par l'administration, en fait les Européens ont toujours une très large majorité, ce qui leur permet d'avoir les apparences d'une coopération, d'une association avec les élites, mais ce n'est qu'une apparence parce que le colonat européen et l'administration coloniale gardent la main sur toutes les institutions politiques de la colonisation. Alors, le fait que la loi cadre institue ce qu'on appelle un collège unique, donc le fait qu'on va voter au suffrage universel, donc ça va donner une majorité écrasante, en fait, aux Africains, va permettre l'élection dans ce qu'on va appeler les assemblées territoriales, donc c'est un peu notre assemblée nationale au niveau des territoires, hein. Par exemple, vous avez l'assemblée nationale, ben, dans l'AEF, vous en avez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Soudan, en Haute-Volta, etc. Et ces assemblées donc territoriales vont de fait être peuplées entre guillemets par une très très large majorité d'élus africains, donc qui viennent des partis africains, qui sont des partis en général qui ne réclament pas l'indépendance, mais qui veulent là aussi des progrès politiques, qui accompagnent un peu ce mouvement de réforme démarré en 1946 avec la conférence de Brazzaville et puis poursuivi avec la loi cadre de fer. Et ces assemblées territoriales, elles ont un pouvoir législatif qui n'est pas négligeable. négligeable. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque les organes essentiels, le Grand Conseil de l'AOF, étaient des organes consultatifs. Donc tout le pouvoir, en gros, était dans les mains du gouverneur. Je caricature un peu en disant ça, mais enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Là, il y a un pouvoir législatif des assemblées territoriales. Et puis, d'autre part, vous avez ce qu'on appelle les conseils de gouvernement. Conseils de gouvernement, là aussi, les conseils de gouvernement sont élus par les assemblées territoriales. Donc, vous allez avoir une grande majorité d'Africains qui vont composer ces conseils de gouvernement. C'est un peu, si vous voulez, le conseil des ministres français, sauf que c'est au niveau du territoire. Et là aussi, les pouvoirs sont relativement étendus. Que conserve la France ? La France conserve de ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Elle conserve la maîtrise de la monnaie, la maîtrise sur certaines ressources stratégiques. Elle conserve évidemment le monopole de la défense et puis également des affaires étrangères. Mais ça signifie quand même que c'est un véritable renforcement très important quand même des pouvoirs décisionnaires en Afrique même des partis africains. Alors la conséquence politique de cette loi cadre, au-delà de cette démocratisation, ce progrès indéniable, c'est bien sûr de pouvoir conserver l'empire. Il ne s'agit pas de le brader, au contraire, Defer n'a qu'une seule idée en tête, c'est de garder l'empire quoi qu'il arrive. Mais en associant du coup ces nouvelles élites indigènes. Et ces nouvelles... Alors, le problème de la loi 4, je termine juste ça, c'est que le problème de la loi 4, c'est que ça va faire éclater en fait les fédérations. Les fédérations, par exemple l'Afrique occidentale française, qui sont composées de 8 territoires, eh bien il y a un mécanisme de redistribution des revenus sur les taxes d'importation. Et après la loi cadre, eh bien chaque territoire va être autonome. Donc les solidarités entre guillemets panafricaines qui pouvaient exister à travers des grands partis africains comme le Rassemblement démocratique africain ou les indépendants d'outre-mer de Sangor, eh bien finalement ces solidarités disparaissent et le rêve panafricain d'une grande ère africaine unie autour d'un projet politique commun, eh bien il va disparaître au profit en fait de l'individualisation des territoires et de leur intérêt propre. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique, et ça va empêcher évidemment à terme et à très long terme, puisqu'on en est encore là, eh bien ce rêve de réunir les territoires dans un projet panafricain beaucoup plus large. Ces élites africaines qui sont mises en avant à partir de la loi cadre de fer de 1956, mais par effet de génération, Carole Reynaud-Paligo, ce sont ceux qui ont été éduqués, instruits dans les écoles que vous avez étudiées, l'école aux colonies entre mission civilisatrice et racialisation 1816-1940, vous publiez ça chez Champvallon. C'est ça, hein, ils ont été à l'école de la France, mère patrie, etc., avant-guerre, et ils sont maintenant, dans les années 50, dotés d'un pouvoir plus grand que leur accorde la loi cadre de fer. Oui, oui, tout à fait, donc parce que comme le système n'était pas complètement étanche, certains ont pu bénéficier d'un accès à l'enseignement secondaire, ont obtenu une bourse pour aller poursuivre leurs études en métropole. Mais c'est un petit peu des accidents de l'histoire, hein, parce que la volonté était très claire de freiner de restreindre à une toute petite élite et de garder, donc jusque dans les années 1930, hein, de garder l'encadrement dans les mains des métropolitains. Donc ça c'est clair, mais en fait ça commence à évoluer progressivement pour aboutir à ce que nous a décrit Nicolas Bancel. C'est parce qu'il y a eu une très grande aspiration des populations colonisées, une aspiration donc à accéder à un véritable enseignement, et ça c'est très présent dans les archives, sous la forme de lettres, de pétitions de parents d'élèves qui réclament plus d'écoles, de pétitions de jeunes éduqués qui réclament l'accès à l'enseignement supérieur, ou qui réclament la fin des deux réseaux et les programmes métropolitains. C'est une revendication très très présente. On veut les programmes métropolitains, on veut l'école de la métropole et on ne veut pas cette école au rabais, disent-ils, qu'on nous propose. C'est ce qu'on attend de la République et la République doit nous fournir une vraie éducation. Ça, c'est vraiment très très présent. Et c'est pour ça que petit à petit, hein, grâce à cette pression des parents et des élèves, que le système va évoluer, permettre à plus de jeunes d'accéder à une véritable éducation et finalement aboutir à la réforme donc, de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui supprime l'existence de ces deux réseaux, ce qui veut dire qui accorde aux élites locales, enfin aux populations locales, l'accès à un enseignement métropolitain. Avec l'exemple d'Oufet-Boigny, hein, c'est vraiment ça. Il est pur produit de l'école des colonies, tout sauf qu'à un moment, médecin, mais pas trop médecin quand même, Oufet-Boigny. De retour à Paris, après une longue tournée en AWEF, notamment en Côte d'Ivoire, territoire aux riches possibilités, où cohabitent avec des autochtones et des métropolitains, des Africains venus des territoires de la WEP et de la F, il m'est agréable de souligner le climat d'union qui y règne. Et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est sous le signe de l'union fraternelle entre Africains et métropolitains que s'est déroulé mon séjour. Partout, à tous les échelons, dans tous les milieux, ces populations métropolitaines et africaines ont tenu à manifester aux représentants du gouvernement de la République, enfants du territoire, fierté, confiance et affection, afin qu'elles poursuivent dans le monde sa grande mission civilisatrice et émancipatrice pour une union française solide, prospère, égalitaire et fraternelle. Félix Oufet-Boigny qui s'exprime en mai 1956. Il est alors ministre délégué à la présidence du Conseil. C'est le gouvernement Guimolet-Nicolas Bancel. Ben voilà, là on a un parcours de quelqu'un qui, à l'école des colonies, a quand même brillé, mais n'a pas pu aller jusqu'au bout de son idéal et qui se trouve dans les années 1950 avec de hautes responsabilités. Oufet-Boigny, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Alors, Oufet-Boigny, son parcours est tout à fait exemplaire, effectivement. Il est quand même un fruit de l'école républicaine, mais c'est aussi un personnage qui est particulier parce que c'est un grand planteur. Il est très riche, hein, il a une fortune considérable pour l'époque, évidemment. Et Oufet-Boigny va être un des pivots de ce qu'on pourrait appeler le système pré-France-africain, parce que dès les années 50, en fait, il est à la tête du Rassemblement démocratique africain dès 1946, et puis entre 47 et 50, donc il va s'opposer frontalement à la colonisation parce qu'il est associé au Parti communiste, affilié au Parti communiste. Et à partir de 1950, il va retourner sa veste, hein, si je puis dire, et il va collaborer, entre guillemets, avec les autorités coloniales. Il va d'ailleurs être l'un des conseillers et des rédacteurs de cette fameuse loi cadre. Et son intérêt à lui, son intérêt au Oufet-Boigny, eh bien, c'est effectivement la balkanisation parce que la Côte d'Ivoire est considérée comme un territoire riche et il estime qu'il a, la Côte d'Ivoire n'a pas à redonner de l'argent au territoire. Pauvre. Et d'ailleurs, après la décolonisation, Oufet-Boigny va être un interlocuteur privilégié pendant des dizaines d'années de la France africaine, si je puis dire, de la France-Afrique, et va permettre donc la poursuite de l'influence française grâce aux accords de coopération, puis d'autres accords un peu plus secrets, grâce aux relations interpersonnelles qu'il entretient avec les présidents de la République successive, pour que finalement la décolonisation, entre guillemets, perdre un petit peu de son sens, puisque finalement, la dépendance à la France va se poursuivre au-delà de 1960, au-delà des indépendances. C'est pourquoi vous avez écrit « Décolonisation » suivi d'un point d'interrogation comme titre de votre ouvrage, Nicolas Bancel, publié aux éditions de la Sorbonne, « Élite, jeunesse et pouvoir en Afrique occidentale française 1945-1960 ». Qui sont les évolués, en quelques mots, dans cette histoire? Alors, les évolués, c'est ce dont parlait Carole Reynaud-Paligaud, hein, c'est cette première génération donc qui va être formée dans les années 30 et qui va arriver en fait en 1900, au cours des années 50, à occuper des positions de pouvoir à la fois dans l'administration française. Ils sont à la tête des principaux partis politiques africains et ils vont se retrouver avec une jeunesse donc de seconde génération, ces gens qui sont formés à partir de 1946, qui se révoltent, hein, comme je l'ai dit, à partir de 55 et qui tiennent un discours radical où il s'oppose à la fois aux colonisateurs, mais aussi à la fois à ses élites, les Senghor, Oufet-Boigny et d'autres, qui représentent pour eux une forme de traîtrise, hein, qui veulent brader en quelque sorte la liberté et les indépendances. Et le fait est que quand on arrive au moment des indépendances, cette jeune génération, elle n'a pas le pouvoir. Hein. Ce sont des étudiants, alors ils commencent à créer un parti, mais c'est trop tard. 1957, c'est le Parti africain de l'indépendance, hein, un parti qui se veut panafricain. Mais mais en fait, le véritable pouvoir, ce sont les élites de première génération qui le détiennent, et ce sont eux qui vont être placés ou qui vont prendre le pouvoir en 1960 et qui vont permettre, en fait, donc à la France de poursuivre son influence pendant des décennies et des décennies, même si maintenant, évidemment, comme on le sait, elle est un petit, cette influence est un peu remise en question. Mais c'est grâce à cette élite de première génération, en tout cas, et cette proximité avec le pouvoir colonial, l'administration, que va pouvoir se poursuivre, encore une fois, l'influence française et la constitution de ce fameux précaré africain. Voilà, le précaré, comme ça le mot aura été prononcé, Carole Reynaud-Paligaud. Il y a une histoire liée aux générations. Les ruptures historiques ne font pas que les hommes, les femmes disparaissent et les amitiés, les liens qui ont pu se créer pendant la colonisation, voire le plus tôt possible, eh bien, se retrouvera pas. Et ça explique la France-Afrique aussi, ces gens se connaissent. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette évolution, c'est que finalement, ce qui était redouté par les autorités coloniales, c'est-à-dire que l'instruction permette l'émancipation de ces populations colonisées, qu'on voulait absolument pas, eh bien, ça finit par arriver. Donc voilà, c'était prévisible et inévitable. Et cette tentative de freiner, etc., était évidemment vaine. Donc le retournement, qui s'est fait progressivement dans les années 30, dans certains milieux coloniaux, l'idée de finalement de les associer plutôt que de les priver d'éducation alors qu'ils veulent y accéder, il faut peut-être mieux les associer et en faire des alliés au pouvoir colonial. Ça a été la deuxième stratégie mise en place progressivement dans les années 1920-1930. Avec l'éducation pour l'émancipation. Toujours, toujours, toujours. Merci vivement, Carole Reynaud-Paligaud, je rappelle, hein, l'école aux colonies. Et merci, Nicolas Bancel. Décolonisation, avec un point d'interrogation. C'est beaucoup plus clair sur cette histoire de France-Afrique, mais pour être encore plus clair, nous poursuivons l'aventure avec Gérard Noiriel. Et oui, le pourquoi du comment. Comment vivaient les gens ordinaires quand Venise était encore une république sérénissime ? Venise est célèbre dans le monde entier pour ses canaux, ses gondoles, une architecture qui rappelle la splendeur d'une cité-état qui régna sur une partie du monde méditerranéen pendant plusieurs siècles. Les historiens ont longtemps présenté un portrait flatteur d'un régime politique, la République sérénissime de Venise, dans lequel tous les citoyens auraient joué un rôle actif, ce qui aurait placé cette cité-état à l'abri des conflits sociaux. Claire Jude de la Rivière a décidé d'aller y voir de plus près en consacrant une minutieuse recherche à la société vénitienne des 15e et 16e siècles. Pour qualifier son approche, elle précise, c'est le sous-titre de son livre, qu'il s'agit d'une histoire pragmatique. Dans le langage des sciences sociales, ce terme renvoie à un courant philosophique qui privilégie l'étude des pratiques, des actions humaines, plutôt que l'analyse des discours. Comme elle le dit elle-même, elle s'est intéressée à l'histoire de Venise, non pas pour montrer ce que les gens sont, mais ce que les gens font. Au début du XVIe siècle, la ville était l'une des cités portuaires les plus peuplées de la Méditerranée. Au sein de la société vénitienne, les quelques patriciens qui gouvernaient les institutions vivaient dans de splendides palais, mais les commerçants, les artisans et les domestiques, qui composaient la majorité du peuple, louaient des appartements, voire de simples chambres garnies au ras d'un canal obscur. Pour étudier les activités des Vénitiens d'en bas, Claire Jude de la Rivière a privilégié les archives judiciaires en centrant son analyse sur une cinquantaine de procès rassemblant 400 interrogatoires rédigés en langue vernaculaire. La transcription mot à mot du dialecte de la lagune que les justiciables employaient pour défendre leur cause fournit un riche matériau donnant accès au savoir pratique que mobilisaient les gens simples pour se débrouiller dans leur existence quotidienne. L'analyse méticuleuse de leur langage, tel qu'il est retranscrit par les juges, permet de comprendre comment les acteurs de l'époque désignaient et classaient les personnes et les groupes auxquels ils étaient liés ou opposés. Alors que le regard porté sur eux par les dominants les présentait constamment comme des êtres dépourvus de toute forme de compétence, on découvre alors la richesse d'une sociabilité populaire cimentée par des savoirs partagés collectivement qui circulaient et encadraient les pratiques ordinaires de la vie quotidienne et professionnelle. En s'immergeant dans des histoires de mœurs, d'adultères, de litiges commerciaux, voire d'assassinats, l'historienne met en lumière le rôle propre que ces Vénitiens d'en bas jouaient dans leur espace urbain et les normes collectives qui guidaient leur comportement et alimentaient les jugements qu'ils portaient sur les autres. Cette attention scrupuleuse aux détails, aux moindres faits et gestes, permet de déconstruire les catégories fabriquées au cours du temps par ceux qui maîtrisaient le discours public, catégorie que les historiens ont longtemps utilisée comme une grille de lecture des sociétés passées. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Noé Chaban, émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudèche, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel et à France Bleu Saint-Étienne Loire. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.